Bonsoir tout le monde, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 546. Nous sommes le 18 janvier 2023. Bonne année, j'ai pas eu le temps de vous le dire avant, bonne année à toutes et à tous. J'espère que ça va bien se passer. En tout cas, moi quand je suis arrivé ici, alors il avait neigé dans l'après-midi, donc il ne neigeait plus, comme quoi la voie m'était ouverte pour que je puisse arriver à la radio. Je suis arrivé à la radio, à l'entrée, il y avait une lumière qui n'existait plus, elle existe. Donc je me dis, tout est favorable pour que je fasse une bonne émission. En plus, Marc était sympa aujourd'hui, alors qu'habituellement, il n'est pas vraiment sympa. Mais bon, là, ça s'est bien passé. Donc, c'est parce qu'il m'avait pas vu depuis un moment. Donc, on va faire une émission qui a pour thème l'album Driving Rain par Paul McCartney en 2001. On écoutera Lonely Road, About You, From a Lover to a Friend. New Blue Moon, non, c'est autre chose. Mais il sera dans la playlist. Il dira également Driving Rain, Riding into Jaipur, parce que j'adore cette chanson. Et on terminera avec Freedom. Il y aura également du Lennon, du Harrison, du Starr et des Beatles. Alors, comme j'ai été un petit peu absent, eh ben, les titres sont en retard. Il y aura Happy Christmas, War is Over par John Lennon. Il y aura pour George Harrison Ding Dong, Ding Dong. Oui, oui, c'est vieux, mais après tout, en début d'année, on peut dire que allez, on fait du renouveau, tout va bien. C'était un peu pour ça que j'ai voulu faire ça, que la guerre soit terminée et puis qu'on refasse du nouveau. Il y aura Blue Christmas par Ringo Starr, parce que c'est une belle chanson. Et quant aux Beatles, on commencera avec Ask Me Why. Je crois que les trois quarts des versions des Beatles seront en mono volontairement, j'ai eu envie. Et je vous retrouve sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. La Saga des Fab Four qui commence dans quelques secondes à la fin du générique avec Lonely Road. Bonne soirée à tous et à toutes et à tout de suite. So this is Christmas. And what have you done? Entre le temps, le moment où j'ai quitté la radio, milieu novembre, et puis là maintenant début janvier, nous avons gagné je ne sais pas combien de membres sur le groupe La Saga des Fab Four, et c'est absolument merveilleux. Alors, ceux qui écoutent pour la première fois La Saga des Fab Four, sachez que, bon, vous allez vous en douter très très vite, mon chouchou c'est Paul McCartney, j'aime beaucoup George Harrison, j'aime bien John Lennon, et j'adore Ringo Starr, voilà. Par contre, si on parle de Yoko Ono, vous l'avez entendu là dans la chanson Happy Christmas, c'est le maximum que je puisse supporter. On entend un peu la voix de Yoko et après on l'entend plus. Et vous n'entendrez jamais d'autre chose, jamais plus que ça, car j'estime que ce soit dit une fois pour toutes, si elle a été la muse de John Lennon, si elle a été la femme de John Lennon et qu'elle l'a rendu heureux, c'est très bien. Mais qu'on la traite d'artiste, ça, c'est plus haut que je peux en supporter. Je ne la trouve pas du tout artiste, pas du tout. Par contre, elle est très très forte à m'énerver. Oui, ça oui. Allez, la suite maintenant. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue. About you, decorations in red. tree. Won't mean a thing if you're not here with me. I'll have a blue Christmas, that's certain. And when the blue heartaches start hurting, you'll be doing all right with your Christmas of white. But I'll have a blue, blue Christmas. The false truth. 1974 sur l'album Dark Horse, c'était George Harrison à l'instant. Auparavant, sur un album sorti en 1999, l'album s'appelle, s'appelle sur un côté I Wanna Be Santa Claus et sur l'autre face, il y a écrit Santa Claus Wants to Be Ringo Starr. C'est assez drôle. C'est un album de Noël, c'est le seul d'ailleurs, puisque à part une chanson, Lennon n'en a pas fait, George Harrison non plus. Et il paraît que Paul McCartney aurait un album qu'il a enregistré chez lui, mais il y a bien longtemps, et qu'il fait écouter à sa famille, et qu'il garde pour un jour, quand ça lui plaira de le sortir, mais qu'il n'a jamais encore sorti. Il n'a jamais encore sorti, à part la chanson de Noël que tout le monde entend. Vous savez, la Wonderful Christmas Time. Mais à part celle-là, il aurait préparé un album de Noël depuis très très longtemps. Ce qui veut dire avec une belle voix. Bon, alors avant d'écouter les Beatles, nous allons reprendre un petit peu. On a écouté Paul McCartney avec Lonely Road, Lennon avec Happy Christmas, War is Over, Harrison avec Ding Dong Ding Dong et Ringo Starr avec Blue Christmas. Lorsqu'on écoute les quatre et que la magie devient les Beatles, il faudrait tout savoir sur les Beatles. Et comment tout savoir sur les Beatles? Vous pouvez tout savoir avec le site de Lovely Rita. Oui, mais qui est Lovely Rita? Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, il vous suffit d'aller sur BeatlesMagazineUK.com. C'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est lu par des milliers de fans à travers le monde et vous avez toute l'actualité des Beatles, y compris celle de Paul et de Ringo. Bref, toute l'actualité, c'est sur BeatlesMagazineUK.com. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même 8 jours, 8 days a week. C'est la saga des parents. I love you, 'cause you tell me things I want to know, and it's true that it really only goes to show. Nous sommes sur le premier album des Beatles, l'album Please Please Me with Love Me Do and 12 Other Songs, mais que je résume en disant l'album Please Please Me, c'est plus facile. Et cette chanson a été probablement composée en 1962 sur une idée de John. Ask Me Why est une chanson mineure qu'ils inclurent à leur répertoire pour les concerts à la caverne cette année-là. Ask Me Why fut créé le 11 juin 62 pour le Teenage Turn, une émission radio de la BBC. Ce fut également l'une des quatre chansons qu'ils proposèrent lors de leur première séance d'enregistrement au studio EMI d'Abbey Road le 6 juin 1962. Mais George Martin la jugea trop faible pour leur premier 45 tours. Elle fut réenregistrée en février 1963 et sortie en Angleterre en face B de Please, Please Me. Nous passons de 1963 à 2001, c'est ça le bonheur de la saga des Fab Four, avec le retour de l'album de la semaine et cette chanson destinée à son amour, Linda. Voici About You sur RG, sur Driving Rain, Paul McCartney. Oh, one, two, three. McCartney nous avait gratifié d'un splendide Flame and Pie en 1997 et puis son épouse Linda meurt en 1998. En 1999, pour délivrer un peu de sa peine, il revient aux racines du rock. Il nous sort un album Run Devil Run, qui n'est, à part deux chansons qu'il a rajoutées à lui, qui ne sont que des reprises. Mais là, pour Driving Rain, c'est la première fois qu'il remet la main à la pâte et comme il a toujours des chansons sous le coude, il a amassé quand même de bonnes chansons pour Driving Rain au fil des émotions fortes que la vie lui a imposées depuis quelque temps. On aurait pu supposer que cet album-là serait celui du chagrin, baigné de nostalgie pour Linda, mais parce que Paul a une façon très particulière de toujours rapporter les choses vers la lumière, il n'en est rien. Certes, une certaine mélodie hante bien quelques plages, mais jamais dans un registre plaintif. C'est même le contraire sur les chapeaux de roue qui ouvrent l'album. Au son de sa Höfner ronflante, McCartney scande le tempo et fait tourner le moteur avant de nous inviter à suivre séance tenante sur Lonely Road, un rock habité. Des guitares électriques chauffées à blanc partent très vite en roue libre sur une rythmique huileuse et bluesy. Il se dégage de ce rock une sensualité peu courante chez McCartney, forçant, ce qui n'est pas pour déplaire, un dérangement vigoureux. Cette introduction coup de poing emporte une immédiate adhésion et son écho puissant renvoie à une époque bénie où son auteur braillait avec une fougue identique un I'm Down tout aussi échevelé et renversant. Le McCartney que l'on aime pleinement est donc bien de retour. Si l'album est dans son ensemble assez rock, il déploie aussi les traditionnelles ballades qui ont fait la réputation de notre homme. Mais ici, on est carrément dans la très haute couture. Ainsi, le fragile From a Lover to a Friend fait immédiatement chavirer. Son climat éthéré et brumeux de longue fin de soirée s'associe à merveille avec la tonalité vulnérable du chant de Paul. D'une approche plus conventionnelle, Your Love in Flame s'inscrit parmi les grandes ballades de son auteur. Intro au piano, chœur aérien, envolé lyrique, quatuor accord, tous les ingrédients se réunissent autour de cette excellente composition qui en d'autres temps aurait gratifié les Beatles d'un standard imparable. Avec pas moins de 15 titres, Driving Rain offre son lot de chansons mid-tempo comme Tiny Bubble, comme About You qu'on vient d'entendre, comme Magic qu'on entendra peut-être, je ne sais plus. Et l'élégant et touchant clin d'œil, c'est Magic, et l'élégant touchant clin d'œil à Linda. Heather, cet instrumental qu'on entendra, c'est elle pour sa nouvelle compagne. Il paraît, c'est la légende qui le dit, qu'un matin il s'est mis au piano, il faisait courir ses doigts sur le piano. Et Heather arrive en disant « C'est une chanson des Beatles ?» Et puis il a dit « Non, non, c'est nouveau, c'est un truc que je crée comme ça, et ça s'appelle Heather. » Bon, on en saura peut-être plus tard. George Harrison en 1981, un Consciousness Rules sur RG. RG, c'est la saga des Fab Four, numéro 546, et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Dance at the discotheque. That's why he looks at you red. Your face is pale, you look drawn. Your paws are dirty and torn. You've got the lucky eyes that says you have the life and you lost inside. Meanwhile, you're back in your cage. He got out on the stage with the unconsciousness rules. Got yourself in a bind. You don't know how to unwind. Your sense is unsatisfied. Take you along on a ride. You've got awareness and sensation. That's the hands of everyone. Then you go back on the floor. Got to get through the door where the unconscious was rude. Nothing can stand in your way. Let's go. Back, back, back, back, back. Yeah, yeah, yeah.

C'est la saga des Fab Four numéro 546 que vous écoutez et nous sommes en direct. Je vous le prouve, il est 20h45 ici sur Bordeaux. Alors avec le petit décalage avec le l'internet, peut-être qu'il est 20h44 chez vous et que ça va arriver. Mais c'est pas grave, c'est quand même du vrai direct pour ceux qui en douteraient. Ça n'est pas ma voix enregistrée. Je vous propose de revenir sur l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est l'album Driving Rain de Paul McCartney, sorti en 2001. Voici une autre composition très jolie, From a Lover to a Friend, sur RIG. Every day, and when I struggle in the night, the magic of the music seems to light the way. Intuition takes me there. Intuition takes me everywhere. Well, my instincts are fine. I have to learn to use them in order to survive. And time after time, confirmed on all suspicion, it's good to be alive. And when I'm deep down and out and lose communication with nothing left to say, then I realize it's only a condition of seeing things that way. Intuition takes me there. Intuition takes me anywhere. Takes me anywhere. J'ai voulu vous faire découvrir John Lennon au travail, oui. Sur l'album Plastic Ono Band, mais la réédition de cet album-là, augmenté si vous préférez, il y a la chanson Love et il y a marqué Evolution Documentary. C'est-à-dire que vous allez voir comment la chanson Love a évolué, d'abord avec une certaine rythmique, après il a changé ci, il a changé ça, jusqu'à obtenir ce que vous connaissez. C'est assez intéressant à entendre, de voir comment un artiste fait pour créer une chanson, trouver la bonne rythmique. Love is free. The sound on the guitar is much nicer than in the earphones. The strings are ringing. I think this mic's too bassy or something. Could you just bring a pen so that I write living down, Mal? Is that a giving? Just relax my Kentucky braces. Fuck. Love is reaching. Reaching love. I was thinking about me bum guitar notes. This guitar is too stiff for this one, you see. This little guitar is easier to play, you see. I don't have to think of the bass notes so much. Is that all right? Love is real. Shit. Wasn't very good. I just can't get in this mood, you see. Take 12. Where is it coming out of? It's coming out of the earphones. Do you want some? Yeah. Yeah. Goes to your mind. Wanting. It's after I sing. Dan to be love. How's it sound? Shitty. Come on. Let him just be natural. We'll come and listen. Sam and the Blue Funk Riders present Love, Take One. J'entends elle en serrant les sons. Lorsqu'il c'est pour tout. Volume in the earphones. Really? I don't know. You're kidding, aren't you? I don't want to hear myself. More volume, you said? Hello? Hello? I mean, we're very loud. It's very loud, though. Yes, now the piano's too loud. And I can't relax stood up here like a fucking nightclub singer. A bit like a guest show on Johnny Cash like this. What's it sound like, Philip? Yoko, somebody? I want to underplay on the left hand, you know? No, play, you're playing all right. You don't have to worry about the left hand, because I'm your left hand. Taking this every golden oh, moment. Shit. What about this chord? I wonder if that makes it sound dissonant in there, you know. It's okay. It sounds like it does in the earphones. So you just want a regular. Yes. Okay, I won't play that. Fuck my boots. Should we hear some of it, John? See, look, I just wanted to carry on so as we didn't stop and go through all this every time. Yeah. Right. So this time, just... Yes. Go immediately into the next one. 37. Love is real. Love is wanting to Cette chanson, je l'ai très rarement passée dans la saga, voire peut-être pas, ou alors pas depuis plusieurs années. C'était Waiting, extrait de l'album Bocoups of Blues de Ringo Starr. Et voici New Blue Moon, les Traveling Wilburys sur RG. And I'm ce fameux groupe avec aucun ego. Tout le monde est à la même, au même rang, ils ont tous la même célébrité. Il y a quand même quatre grandes, grandes têtes. Il y a Bob Dylan, il y a Tom Petty, George Harrison évidemment, et puis Jeff Lynne du groupe Electric Light Orchestra. Enfin, anciennement du groupe Electric Light Orchestra. Bref, c'était en 1990. Et avant d'écouter la prochaine chanson, je voudrais que vous soyez attentifs à la rythmique du début de la chanson qu'on vient d'entendre. Écoutez. Vous l'avez ce début ? Alors écoutez maintenant. I will always be hoping, hoping. You will always be holding, holding my heart in your hand. I will understand. I will understand. Pas trouvé que la rythmique se ressemble un petit peu quand même entre les deux chansons à 2 ans d'intervalle. 1990 pour les Traveling Wilburys et 1992 pour Paul McCartney et Hope of Deliverance. Belle chanson de toute façon. Bref, on revient à McCartney et aussi à l'album de la semaine Driving Rain. Et voici la chanson éponyme Driving Rain sur RG. It's when we're En somme, à la cover. La cover, c'est une chanson que chante quelqu'un qui. C'est une reprise, je vais y arriver. C'est une reprise de John Paul Ringo George, qui l'a chanté avec les Beatles, ou que ça a été chanté en solo. Et même si eux-mêmes faisaient déjà des reprises, du moment que l'un des quatre ou les quatre l'ont chanté, c'est la cover de la saga. Et ça peut être vous. D'ailleurs, pour la semaine prochaine, je vous réserve une petite surprise à l'un d'entre vous. Je ne vous dis pas qui. En tout cas, je l'ai reçu cette semaine et je le remercie. C'est très très gentil. Là, c'est quelqu'un de connu et qui s'était juré de ne jamais chanter cette chanson-là. Pourtant, il l'a fait pour une association pour l'Ukraine, donc pour recueillir des fonds. Voici Julian Lennon qui chante Imagine et c'est la première fois qu'il le faisait. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. que sur Facebook vous a mis le lien pour voir la vidéo de cette chanson-là. Et il m'a permis de me souvenir qu'il n'est pas seul à chanter Julian Lennon. Et bien également Nuno Bettencourt. Je ne sais absolument pas qui c'est. Néanmoins, ça date de l'année dernière, hein, cette chanson-là. Sans doute de la fin de l'année dernière. Et après la cover, quelquefois, il y a la chanson que j'appelle « Fils de ressemblant à » ou « ayant un rapport avec les Beatles » ou « les Fab Four ». Eh bien là, c'est un rapport avec Paul McCartney. Il est dans son groupe depuis une bonne vingtaine d'années maintenant. Et il sort de temps en temps des albums solo qui ne sont pas mauvais. J'en ai acheté deux pour la première fois. Je les ai écoutés, bien sûr, avant. Et je vous propose, sur un album qui date de 2010... La chanson et l'album s'appellent pareil, ça s'appelle This Way Up. Voici Brian Ray sur RIG, un des musiciens de Paul McCartney. Doesn't matter. years of my life blow away, and I will dance to a run civil tune with the queen of my heart. Can't Buy Me Love sur Hard Day's Night. Quelle belle année que 1964. C'était Paul McCartney et les Beatles. 2001, juste avant, Heather. Il a dû s'en mordre les doigts d'avoir dit pour l'amour de ma vie, Heather. Parce qu'il a divorcé assez peu de temps après. Et c'était sur l'album Drive in Rain, bien sûr. Et on reste sur l'album Drive in Rain. Et quand on pense qu'en 2023, il est encore là, Paul McCartney, il fait des concerts. On aimerait bien qu'il vienne quand même dans la région, ce serait bien. En ce qui me concerne, s'il passe par Paris seulement, je serais obligé de ne pas faire ce concert-là. Je n'ai plus les moyens là depuis mes arrêts répétés, hein. Ça fait presque un an que je suis à l'arrêt. Donc ce sera sans moi. S'il vient sur Bordeaux, je mangerai des patates pendant 3 semaines, 1 mois, 2 mois, mais j'irai. Voilà, enfin bon, ça c'est un à côté. On reste sur l'album de la semaine, l'album Drive and Rain, et cette chanson, Riding into Jaipur. J'aime beaucoup cette chanson. Vous êtes sur RIG 90.7 si vous nous écoutez sur la FM. Si vous nous écoutez sur à travers le net, eh bien là, il y a beaucoup plus de solutions, mais notamment c'est www.rigfm.fr. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous prenez peut-être une crêpe de serre que vous serez allé chercher sur le Twist and Crêpe. Je vous envoie un petit bonjour, mes amis de Talence. J'espère que tout se passe bien pour vous. Et pour la suite de la saga, je vous propose de retrouver notre ami George Harrison. Et c'était un moment où il en voulait à McCartney. Et il a écrit une chanson qui dit « T'amènes mon avocat, j'amènerai le mien, tu me poursuis, je te poursuis ». Il en a fait un blues, « Sue me, sue you, blues ». You serve me.

s'arrête plus la musique. Dans quelques minutes, ce sera Eric et Johnny de A à Z. Pour l'instant, eh ben, c'était programmé bien avant, mais c'est Rain, ce qu'il a fait toute la journée. Dernier extrait de l'album de la semaine qui a été rajouté au dernier moment sur l'album lorsqu'il y a eu l'attentat du 11 septembre. Il a écrit ça. Paul McCartney. We'll be right back. Et puis, un retour à la radio après plusieurs mois sans en faire, on est obligé de passer par cette chanson-là. J'aime cette chanson. Qu'est-ce qu'elle est bien. George Harrison était largement au niveau de Paul et de John à ce moment-là. À la fin, mais bon. Are you ready? C'est la dernière chanson de la saga des Fab Four. C'est Ringo Starr sur RG. Are you ready to cross over? the real thing, isn't it? Are you ready, Eric? C'est à toi dans très, très, très, très peu de temps. Merci à tout le monde et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Salut.